Fruits de toute saison, les amours successives évoluent dans le ton et couleurs expressives. D'abord, le paradis des amours enfantines, le vert les enduit, la candeur y domine. Puis apparaît le rose des pré-adolescents romantiques et moroses, et les premiers tourments. Mais voici qu'avec l'âge, la relation se tend, la passion et la rage se mêlent intimement. Il faudra bien attendre, avec le cours du temps, le retour des mots tendres et de nouveaux printemps. Le printemps en automne reste chose fréquente. Si la vie nous le donne, finit la longue attente.